sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On se retrouve pour une nouvelle émission de Hind à Brezonek en compagnie d'Henri Le Naou. Bonjour Henri. Oui, bonjour Morgane. Fais-nous mon compte. De ce que te glaime, un trop hamat. Bel costume, hein, grand Henri. Iri, on commence comme d'habitude par Gariou Arvué, voilà. Avec un mot à découvrir. Quel est le mot qu'on va découvrir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, trubarde. Trubarde. Trubarde. Une trubarde, c'est assez difficile à traduire. Albert Dehay traduit ça par félon. Félon. Alors, c'est pas forcément un compliment. Non, c'est pas. Une trubarde, c'est pas un compliment. Alors, mais j'aime bien la traduction parce que le mot félon, depuis, n'est plus guère employé. Le général de Gaulle l'utilisait, mais bon, c'est plus tellement dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'arnaqueur. Hein. Alors justement, c'est un peu ce mot arnaque qui m'a fait penser à ça. Parce qu'en ce moment, dans les journaux, on voit sans arrêt des gros titres avec arnaque. Alors il y a des arnaques toutes sortes. Hein, arnaques. Sur Internet. Sur Internet, avec une croissance de 30% par an. Comme quoi il y a des croissances à deux chiffres. Oui, il y a de la croissance à deux chiffres. Hein. Cyber-arnaque. Alors maintenant, on forme des ingénieurs de cyber-défense. C'est extraordinaire. Et puis il y a des brigades de policiers spécialisés dans la cyberdéfense aussi, enfin c'est là il y a une croissance extraordinaire, hein. Donc il y a des sources de croissance quand même. Hein. En tout cas dans l'arnaque il y a des sources de croissance énormes. Hein. Alors on voit des arnaques au photovoltaïque, les arnaques aux matchs de foot qui sont truqués pour que les parieurs puissent ramasser la mise maximale, des arnaques à la viande aussi. Hein. On transforme un cheval en bœuf en trois tours de passe-passe. Et voilà, il y a l'arnaque au Tour de France, par exemple. Hein. Le vainqueur n'est pas celui qu'on pense. On ne sait pas qui c'est, d'ailleurs, finalement. Il n'y en a pas. Voilà, donc... Ils n'en trouvent pas. On n'en trouve plus, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, le mot tru... Alors, c'est assez marrant, ce mot arnaque, parce que si on regarde, les journaux, par exemple, d'il y a 20 ans, on ne trouvait jamais ce mot-là. Et aujourd'hui, c'est un mot qu'on trouve très très couramment. Hein. Et je suis sûr qu'il n'y a pas un journal où il n'y a pas le mot arnaque quotidiennement, quoi. Hein. Voilà. Alors, en fait, c'est un mot d'argot, hein, puisque c'est venu de harnacher, en fait. Au départ, c'est un mot argot. Alors, l'argot souvent donne un sens différent à un mot qui existe. Hein. Et harnacher, hein, qui est donc mettre un harnais sur un animal, hein, voilà, est devenu donc au 19e siècle, hein, arnaquer. Et donc c'est un mot qui a fait fortune, hein, qui se répand très vite. Avant on parlait plutôt d'escroquer, hein. C'est-à-dire le trubarde c'était un escroc, mais maintenant c'est plus fin que ça. Hein. L'arnaqueur c'est pas tout à fait un escroc, c'est-à-dire c'est plus pro, quoi, c'est plus professionnel que l'escroc. Voilà. Alors Favreau lui il donne pour ce l'acte d'arnaquer un huépat. Huépat c'est subtiliser rapidement un bien. Hein, voilà. Huépat ou huipad. Hein. Alors moi ça me plaît bien parce que ça fait penser quand on parle des arnaques sur Internet ça fait penser à web et moi j'aime bien dire webler le voleur sur le web webler puis ça me fait penser au webler un cinéma où j'ai eu l'occasion d'aller quand j'étais gamin mais webler ça sonne bien je trouve voilà ce serait à proposer je sais pas qui il y a pas d'académie bretonne pour les mots mais bon les mots naissent comme ils peuvent. On peut dire aussi un whipper, hein, ou un whibler pour un escroc, quoi. Voilà. Alors, pour dérober, c'est plutôt le vol direct, hein. Il y a le mot scrapad aussi, hein. Scrapad, quoi. Voilà. Donc, trubard, donc, un emprunt à l'ancien français, et qui, selon Albert Dehay, qui traduit par félon, je l'ai déjà dit, hein. Alors, on peut dire aussi trubardérache. Hein. Donc, il y a tout un tas de mots dérivés de trubarde. Hein. Trubardérache, la félonie. Ah, oui. Hein. Et trubardilles, c'est un mot féminin qui correspond à tromperie, arnaque, quoi. Une trubardilleuse, hein. Voilà. Alors, le mot whip dont j'en ai déjà parlé, qui serait une onomatopée, hein, c'est-à-dire un mot construit sur un bruit, parce que c'était aussi utilisé pour biner, par exemple, hein, pour biner dans un jardin ou dans un champ. Whipad, hein, c'est aussi détruire les mauvaises herbes d'un coup d'engin, d'un coup de binette, quoi. Hein. Voilà. Donc, y a, voilà de quoi parler un petit peu de l'arnaque. Hein. Whipad, Webler, Trubardius. Voilà, il y a pas mal de mots. Donc, parce que maintenant, il va falloir s'adapter parce que... Oh ben oui. Oui, on va développer le vocabulaire bientôt, de la félonie. Bientôt, ce sera l'arnaque à haut débit. Ah ouais. Ça ira beaucoup plus vite. On n'est pas encore là. Oh, ça vient. Pas à Saint-Nicodème, en tout cas. Ouais, ben, peut-être qu'on protégera mieux nos comptes à Saint-Nicodème pendant encore un peu de temps. Bon. Des arnaqueurs, des une drubardet. On en reste là, Eric ? On va rester là. Allez, on passe à Brézonnectant Matambe, la deuxième partie de l'émission. Brézonnectant Matambe. Voilà, et aujourd'hui Albert Gac, donc de Kerbleille, hein, qui est allé comme chaque année au Salon de l'agriculture. Il est paysan en retraite, lui. Il est en retraite, oui. Voilà, donc on va l'écouter. Salut d'Albert, ma d'argeux. Ja, schonig, ma den trogonin, agonar. Ma tre, bet, lavaret din, d'Albert, klevet meuzor bet nevesso, ba salons al labour douar, ba Paris. Ah, ja, schonig, der oin de te dier, plusieurs adin mon dober en dro, A chom me rand daou pedride pe dur me zo breu ba Paris. Iwan ? Ya, Iwan gag just hag me war ger Rosalie deus la ruen gwejel. Kalz a dut oa ba salons ? O madoue, vel merion. Me meus tra oa moyen de vel kalz a draou. Mi blishtin gwele de lonet deus bep seur d'an gwen zo tout. Chezek, zoud, mor, denvet hag vejou ve ka tu deus evro. Se, eve me zo bar gant job ne delek. Je venais d'Eleg, bah, Paris. Ya, vraiment, wa. Ma wa y levé, c'est une oisonge de monte de bon temps trop d'or salons. On en apprend des choses. Ah, bah oui. Allez, on va reprendre petit à petit ce dialogue. Salut Albert, ma d'un jeu. Ouais, ouais, comme d'habitude. Voilà. Hein, ya, chanik, ma d'un tragonin, aganar. Ya, ma d'un tragonin, hein, ça va, les choses vont bien avec moi et avec vous, aganar, et avec vous. Matré, mais là, varit din, Albert. Clévin meuse en bête neveso, bas allons à la bourre douar, bas Paris. Oui, mais dites-moi, Albert, Clévin meuse, j'ai entendu, hors bête neveso, que vous êtes allé il n'y a pas longtemps, neveso, bas salon de la bourre douar, bas Paris, au salon de l'agriculture à Paris. Ah, il y a Chanik. Ah oui, Chanik. Der en deux de guerre. Ya, der en deux de guerre, hier soir je suis rentré, Plige radine mon dober andro. Ya, plige radine mon dober andro, j'aime bien aller faire un tour. Ah, Chomeranda ou Pedri Davis. Deux ou trois jours. Péguir, mes Herbreur, ma Paris. Ya, plus dur, mes Herbreur, ma Paris, hein, puisque j'ai un frère à Paris. Iwan? Oui, alors elle connaît toute la famille. Hein. Ah, oui. Iwan, juste. Juste, hein, Iwan Gak. Juste, alors, des fois on n'entend plus trop ça. Juste, c'était un peu ce qu'on dit en français quand on dit tout à fait. Tu sais, maintenant les gens, ils répondent jamais oui, ils répondent tout à fait à n'importe quand. Bon, juste, hein. Juste. Juste Iwan Gak. Juste Iwan Gak, bien sûr, c'est Gak aussi, c'est son frère. Hein. Et là, il commence à parler de la famille. C'est pour ça que Chanik va le couper un petit peu parce qu'elle voit que ça dérape un peu. Voilà. À me voir guerre Rosalie et ma belle-sœur Rosalie, voilà. De la rue de Gouégel. Autrefois de l'Henri Vin. Alors là, il allait préciser un peu, mais... Ouais, ça t'intéresse pas trop à la généalogie. des gags, non. Calzadud ou à Bassalon, se reprend Chanik. Calzadud ou à Bassalon, il y avait beaucoup de gens au salon. Oh, ma douée, vel merion. Oh, ma douée, vel merion. Comme des fourmis. Memestra ou un moyen de vel calzadraou. Memestra ou un moyen de vel calzadraou. Quand même, on pouvait voir beaucoup de choses. Mais. Mi blige din gwele dal lonet. Mi blige din gwele de lonet. J'aime bien voir les bêtes. A bepsan wen zo tout. De spepsan wen zo tout. De toutes sortes de races. Hein. Kézek zout mort d'un vet aga vechou ve kavet tu de zavo. Voilà. Kézek, hein, des chevaux. Zout, des vaches. Mort, des cochons. D'invent, des moutons. Aga vechou ve kavet tu de zavo. Et des fois, on trouve des gens du pays. Ouais, c'est d'autres bêtes, ça. Zé. Even mesur borg en job ne délec. Ya, sais-tu? Even mesur borg en job ne délec. Hein? Regarde, c'est, hein, c'est, ça veut dire voir. Hein, regarde. Even mesur borg, hein, j'ai bu un coup avec job ne délec. Job ne délec, bah Paris, demande Chanik. Job ne délec à Paris. Ya, vraiment, mon war il levé. Sais-tu, ne songeais de mon dober en dro d'un salon. Ya, vraiment, mon war il levé. Maintenant, il est en retraite. C'est une jonge Mondober and Droder Salons. Voilà, donc il a pensé aller faire un petit tour au salon. Voilà. Et on aura la suite la prochaine fois. Ils vont pas voir Nicolas alors? Ah, ah bah non, non, parce qu'il est revenu avant la fermeture. Voilà. Bon, allez, on passe à la troisième partie. Petrazo Nevervro. Thank you. Place maintenant à la petite gazette d'Henri Le Naou, d'Henri Le Naou, Petra Zonet-Vervro. Henri? Petra Zonet-Vervro, calze drau et vel juste boervé, je dis aux ans. Gros gomme de diantan, vel costume, gant de l'arbre de war a gavu et war armez. Tremène des brémors, gouan calet, à deux des nevé armsa. Gouelle de vel bleu nio bali orzou, clève de vel neugne d'au canon a zo croque d'oberonez, échu et barrière chassé, a vraiment mon houls de biscuitat. Alors, biscuitaire cause de ce diernier, ou à Yvon et Brenberg, ou gel, hag ur pôl se oa de spurut, hein, mais de gant oa beba botoa, a ed oa de chom de rostren. Hag e lare en i gant oen, ur pesket e rezo kondan ne perua e bord de steer, de la kadi jonge gant de pesket leske le drubu ou badier, a ma grogan luzen en i geyon en penivu zugan, ma e ur guir besket e red le don di banneur. C'est tu as assez on tombe des organowen car organowen c'est zo hier hein organowen c'est ou big red war gois et nero rouge hein zo roise dramen va prendre gosvilin très pur da coldeyen au vich benek de matrezen au gred on abord de noir iwan de brenberg car cal ze drau ve fb de l'art et war war andins très mené des vraiment salons de l'arbre douar ba paris à cal ze du de zo bed hein blanc meroise ou ardro 650000 hein de l'arrêt nosérienne hag elan zo begwell et kalz dud a kalz londe de vel just hag an o mesk kalz londe de deus breiz am pu dur e c'hoaz breiz hein, tient an rand vro zo oa vid la bordou ar bro vrans hag o skoude zo kalz kalz guden ou zo leiz hein, oa dach an la bordou ar vid leiz e sterd an trau pu dur prise jo chomere izel hag har ou ar yaouarok vie de mort aux occupés de l'OIV, hein, ce que mes élèves de Stal gad, hein, yavaltré, aga hendel, vie de hier, n'est que calz gueulard, hein, aux occupés de l'Obras, plus dur, d'asquer, avec guelzé, gand Stal doux, au vent de temps matin, me bruge nous, bon, sais-tu, calz gudé, nous, adro, l'arbre douard. Dans mon temps, moi, d'achen un endro, vraiment, lancement des intro, bah, par rouge urvro, gand la rac 13 brise bocage. Da square het a hit gant gwajou vel steran, sterier, pe un ele roas. A kasede en trou waro gant strolat parouj ou kalag a gant strolat parouj ou kreis breiz, se se kabe ma peswan. A gant teknik ur yoan, yoan moro, hein, pe la rin mad, ur a war dro. Hag aze vo gred kleuziou, plante vo kwat, hag tout un trou zo vo digoust, vie de labour, vie d'un dut, hein, tout de labour, y'a vous avez vos digous, vie d'un dut. Bon, vie chaud mon temps, wardachen en endro, de ce que quoi le belzo, ou abedim bandet, gant agence rieret, orgarten de spersium un dour, un bavro, draistol, vie pesezel, de ze nitratet, a gwell, meus gant plijadur, wadour mal, bavro, rame, dour de ze blave, ze vel juste, puis dur, wa, neptor vie pemoir, nugen milligramme nitratet, bah, peblita dour. Avancez vos moyens de der en or café, pesouben gandour evro. Er ma rezobed, vigelar et un dune ne wak mat ka vun yir badier, adreistol ba hier yo. Hag mamez wabed jonge de bon lar vigese bar mot yir digas a klevej ou sanset, hag rachet en dronen tir. Bon, am jonge wabed mamez zevel or lezen vi harzen dud de gal yir badier. A vraiment, zo comprenne de ne ce que quoi leur vie de hier de zibi restachou, ag zizo ono esperner han ma peswan plusieurs vecas neptor restachou de nusine. Ag un duel de zive gret temps gante, a sais-tu, un dro de la nu, un d'asquer zo bed ro de hier d'un dut, de gal de hier badier de zibi restachou. Avancez, quoi l'arrêt, change rentre. Hier drôle. Il risque, ils ont tant bien. Quand on est au glace, ça peut sortir. War politikeres, ne l'arrive que calze de droit, vejement. Comme je vais calze de ze lesen, au ton vide d'un digreisenon, vos votes banisébres, le sens, a gezo de douge, gand Marie-Lise Lebranchu, petre, tientor, zo scrive, gand technocrate, a gevo zine, gand ministres. Mais de bonne vie de braise à gueule rotonde, un degré d'encre de chance, José Calzedra. Comme je analyse de ce présent de Gerskol, et veulent juste plus mon amzer de son oriez, bascol, et, j'ai au trisoir, mais dis ce montre, agesta d'oriez au trué, jusoir bavro. Un dernier brassant de ce vigal, et de glévon qui donne, en guerre présent de part de amzer skol, pesson de radris, me mestra. Vision amzer me mestra, ve tiel ou mod, hein, tiel ayer mod, waranda chenzin. D'ascouir bakawan, ezo vraiment quand bug l'otis qui présent de bascol. Hag bakawan, n'entend diouyez, gezo a bekrouet babla seis a perugen, ganskoise le père Yvon Tremel de Houls ou a sénatour, ou a politique ou an oua que Jacobine pèse zo raltré bro France. Bakalag zo bedigour de n'entend diouyez blam, hag lena louarn en DL ou a bed. Quand nos melots divide l'as à restarti je non tombe d'un tu d'or vugal ba plouvagor vodigor d'uroir on entendi ou yese que vint distroscol puis dur mon notre homer à ronsaï du ganzi quoi le devo végel moi comme ce tarpe de ce livre Paul Sérusier puis dur vos grèdes or mirdi évitant ba plonévé or faou. Et bien, jusqu'à ce livre, il y a des obés d'idées, notre grand braise, Wardro Kan Vlasso, un traistol, puis Wabé d'Igor de l'iné nous train, l'iné nous hentour, on a dit ce, allez, livre, il y a une donne de vro, ag de Huls, Wabé de Kaz Livour, il y a une bavro, puis dur braise, ou à vro, une galak velardze pittoresque, de la radie, ou à obé entre, ou à vigé, moyen de livre, de square, l'air youker, warno d'abac reizen douarou, tu guisque ker videur pardon you, tease, chapel you, ilijou, mon air you. Agavige, gwel, dis, calze livourien, au val et dreyer vro, deut gand nentouarn, dreistol, bah non. Ag, ze wa bahouls, wa l'air Napoléon tri, puis yo gand Napoléon tri, wa belak de l'iné no hentouarn, hein, drevras. Ag, vraiment, et vel juste, ne ce que tiens de drôle, braise, à ce dix henvel de slerel, c'est une, son ne peut or, même un mestras au Livourien, évident obligeadur. A zéve, gwal, pv gred, mvode, ou vel, livy ou braise, ah, gal, ag vel arze, couleur de Bretagne, avec gwal, et calze dud, calze Livourien, vider obligeadur, dis, ag, pv comte de Livourien, au nom, ag, ne ce, gred calze drôle, vider vro, hein, ou à Mathilin Mehe, hem ou à gande, bah, l'emballe, bah, mileis quand, d'eau à perrugen, puis l'arin mod, hag, his, ne se bid live calze draw, hein, ida doit emmener sur bah, l'emballe, a hi, ou à et or studi, bah, skol narzouker, bah, roisen, a c'est u, ou à l'air, ou à et de chambre de bar, is, mais à liste et de vro, a ne se grède, calze dolin ou au peso beren brastré de ce bigrette. Hag peso ne ce que moyen de l'acad de matinine meue ben nos scol livant ma peçoine plus dur ne se livre trop bepsor mode à calze drôle. Hag blambes au gret au disco isade de tout de enfin pas tout de business gret ka. Ne ce que moyen de hard carven et tout, mais de ce qu'elle se donnait nous, bah, mirdi à Vartelot de Paris, bétamis, fin miséven, hein, bah, trémelé de Paris, allez de Montevelzé. Ag, mirdi à Vartelot de des musées de la marine. Ne ce que quoi le belzo, vichon moir d'achen, erglad, voilà que de tireur guéméné, ou à rôle, her, you be en acquer, galak velarzé, petite cité de caractère. Guéméné, puis j'en vais à l'arme, Guéméné. Guéméné, zo, en avènement, vie de Nandouille, ne vais juste, mais vie calze drawel, hein, de zeur glat. À Galice, bah, quand noé nous offre, vie j'ai comme de zeur Guéméné. D'ascouir, voir un tombe Paul Kaplin, hein, vé quand net, mis au gant de Guéméné, joli coucou. Mes âmes m'en me waïvé, joli, joli coucou. Mes âmes m'en me waïvé, joli coucou. À mes autres causes, Herino, tant de mes autres, Gand et Alice, Organo, une PVG Banor prête, Penec, d'un PVG Goule, Gand, tant qu'on a, Gand et, Mi me zonti ur gemene, mi me zonti ur gemene. Mi me zonti ur gemene, zo zavet leil ur mene. Ar gant a oan ze gomze c'hoaz deus gemene. Gwell ar edeur, oa c'hant e mad gemene, ur gemene, am e bavro. A peu dur, on chom, on komz deus kanerien en deel, oa be gret ba Michel Gronvel, ar fez noz en inor de Jean Poder, ozet gant ur strola de la ficellerie, hag rog ur fez noz oa bet ur goze aden gant Dominique Jou a yant fanch kemener, evit displegant pi oa Jean Poder a pesabu en eus bet, a peu dur en eus bevet ba plou garnevel a ba plonne, peu dur oa labouré en douar. Hag Jean Poder oa gant de Milno Hantri ba bonen, mamez bla, mamez barouz vel Bernadette ka Greis oa kosant pla oa breiz hag eus omar en deel a oa hont de gade kandegla. Hag bon vid hadkomz de Jean Poder, kan ore, ba, kan a diskant, ton yo fisel, ton yo fanj, gant Jean Mayoudek, a kan ore ive, kan a wen o brous, bruit de doa vidze. Bon, setu un tamp de spesone ve bavro, kalz de drau vefe be de la arroaz, me ben vegel o la arroaz. Setu la ramdar kenavo, chilo er yen er kabe, tien ar vegel. Kenou eri. Ya.